Aventure d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, contenant les détails d'une révolte et d'un affreux massacre à bord du brick américain Le Grand Puce, faisant route vers les mers du Sud en juin 1827. Plus, l'histoire de la reprise du navire par les survivants, leur naufrage et leurs horribles souffrances par suite de la famine, leur délivrance par la goélette anglaise, la Jane Guy, courte exploration de ce navire dans l'océan Antarctique, prise de la goélette et massacre de l'équipage dans un groupe d'îles, au 84e parallèle de latitude sud. Conjointement, les incroyables aventures et découvertes dans l'extrême sud dont ce déplorable désastre a été l'origine. Préface. Lors de mon retour aux États-Unis, il y a quelques mois, après l'extraordinaire série d'aventures dans les mers du Sud et ailleurs, dont je donne le récit dans les pages suivantes, le hasard me fit faire la connaissance de plusieurs gentlemen de Richmond, Virginie, qui, prenant un profond intérêt à tout ce qui se rattache au parage que j'avais visité, me pressait incessamment et me faisait un devoir de livrer ma relation au public. J'avais toutefois plusieurs raisons pour refuser d'agir ainsi, les unes d'une nature tout à fait personnelle et ne concernant que moi, les autres, il est vrai, un peu différentes. Une considération qui particulièrement me faisait reculer était que, n'ayant pas tenu de journal durant la plus grande partie de mon absence, je craignais de ne pouvoir rédiger de pure mémoire un compte-rendu assez minutieux, assez lié pour avoir toute la physionomie de la vérité, dont il serait cependant l'expression réelle, ne portant avec lui que l'exagération naturelle, inévitable, à laquelle nous sommes tous portés quand nous relatons des événements dont l'influence a été puissante et active sur les facultés de l'imagination. Une autre raison, c'était que les incidents à raconter se trouvaient d'une nature si positivement merveilleuse que mes assertions n'ayant nécessairement d'autre support qu'elles-mêmes, je ne parle pas du témoignage d'un seul individu et celui-là à moitié indien. Je ne pouvais espérer de créance que dans ma famille et chez ceux de mes amis qui, dans le cours de la vie, avaient eu occasion de se louer de ma véracité. Mais, selon toute probabilité, le grand public regarderait mes assertions comme un impudent et ingénieux mensonge. Je dois dire aussi que ma défiance de mes talents d'écrivain était une des causes principales qui m'empêchait de céder aux suggestions de mes conseillers. Parmi ces gentlemen de la Virginie, que ma relation intéressait si vivement, particulièrement toute la partie ayant trait à l'océan Antarctique, se trouvait M. Poe, naguère éditeur du Southern Literary Messenger, revue mensuelle publiée à Richmond par M. Thomas W. White. Il m'engagea fortement, lui entre autres, à rédiger tout de suite un récit complet de tout ce que j'avais vu et enduré, et à me fier à la sagacité et au sens commun du public, affirmant, non sans raison, que si grossièrement venu que fût mon livre au point de vue littéraire, son étrangeté même, si toutefois il y en avait, serait pour lui la meilleure chance d'être acceptée comme vérité. Malgré cet avis, je ne pus me résoudre à obéir à ses conseils. Il me proposa ensuite, voyant que je n'en voulais pas démordre, de lui permettre de rédiger à sa manière un récit de la première partie de mes aventures, d'après les faits rapportés par moi, et de la publier sous le manteau de la fiction dans Le Messager du Sud. Je ne vis pas d'objection à faire à cela. J'y consentis, et je stipulai seulement que mon nom véritable serait conservé. deux morceaux de la prétendue fiction parurent conséquemment dans le Messenger. Numéro de janvier et février 1837. Et dans le but de bien établir que c'était une pure fiction, le nom de M. Poe fut placé en regard des articles à la table des matières du magazine. La façon dont cette supercherie fut accueillie m'induisit enfin à entreprendre une compilation régulière et une publication des dites aventures. Car je vis qu'en dépit de l'air de fable dont avait été si ingénieusement revêtue cette partie de mon récit imprimée dans le Messenger, où d'ailleurs pas un seul fait n'avait été altéré ou défiguré, le public n'était pas du tout disposé à l'accepter comme une pure fable, et plusieurs lettres furent adressées à M. Poe, qui témoignait d'une conviction tout à fait contraire. J'en conclus que les faits de ma relation étaient de telle nature qu'ils portaient avec eux la preuve suffisante de leur authenticité, et que je n'avais conséquemment pas grand-chose à redouter du côté de l'incrédulité populaire. Après cet exposé, on verra tout d'abord ce qui m'appartient, ce qui est bien de ma main dans le récit qui suit. Et l'on comprendra aussi qu'aucun fait n'a été travesti dans les quelques pages écrites par M. Poe. Même pour les lecteurs qui n'ont point vu les numéros du Messenger, il serait superflu de marquer où finit sa part et où la mienne commence. La différence du style se fera bien sentir. Arthur Gordon Pym, New York, juillet 1838.